Troisième partie. Chapitre 7. Où Monsieur de Casalis veut embrasser son petit-neveu. Pendant les 3 années qui s'étaient écoulées depuis la naissance du fils de Blanche et de Philippe, des changements importants avaient eu lieu dans l'existence de Monsieur de Casalis. Il n'avait pas été réélu député aux dernières élections et il s'était fixé à Marseille. Son échec, dû à l'impopularité que ses démêlés avec les Cayolles lui donnaient parmi le peuple, ne paraissait l'attrister que médiocrement. À la vérité, il aimait mieux veiller à ses affaires qu'à celles du pays. Il avait assez de soucis chez lui, assez de besogne pour parer les coups qui le menaçaient, sans se charger d'un mandat qui le clouait à Paris pendant plusieurs mois de l'année. Il s'installa dans son hôtel du cours Bonaparte et agit de sorte de s'y faire oublier de la ville entière. Il cessa de sortir en voiture, d'éclabousser les paisibles négociants. Il mit tous ses soins à passer inaperçu. Il réussit au bout d'un certain temps à devenir un inconnu pour le plus grand nombre. Son rêve était d'assurer au plus tôt sa tranquillité et d'aller ensuite à Paris manger à grand tapage la fortune de sa nièce. S'il acceptait la vie triste et cachée qu'il menait, c'était qu'un instinct de prudence lui conseillait d'étudier la position et de chercher l'impunité avant de toucher à des biens qui ne lui appartenaient pas. Il avait des envies folles de se satisfaire tout de suite, mais des peurs le prenaient. Il voulait bien voler Blanche pourvu qu'on ne pût jamais lui crier qu'il était un voleur. Quand il fut parvenu à se faire oublier, quand il se fut cloîtré dans son hôtel, en simple bourgeois, amoureux de l'ombre et du silence, il dressa ses batteries. Il se trouvait au centre de l'intrigue qu'il voulait conduire, et il espérait avoir endormi la méfiance de ses adversaires par ses airs nonchalants. Au fond, son plus âpre désir était de retrouver l'enfant de sa nièce et de s'en emparer. Alors seulement il pourrait disposer de la fortune qui dormait entre ses mains. Mais par un effort d'hypocrisie, il sut se contraindre pendant près de 3 ans. Il demeura paisible, sans paraître faire la moindre démarche pour savoir où l'on avait caché son petit-neveu. Et en réalité, il ne hasarda pas une seule tentative. Il resta fidèle à son plan de feinte insouciance. Cette comédie eut pour résultat de tranquilliser Marius. Le jeune homme avait cru le lendemain de l'enlèvement que M. de Casalis allait s'emporter, fouiller Marseille, chercher partout. Il fut d'abord très surpris de l'attitude indifférente de l'oncle de Blanche. Il pensa que cette tranquillité cachait quelque piège. Puis, peu à peu, ses soupçons s'évanouirent. Il s'endormit dans une confiance heureuse. Il finit par ne plus songer à cet homme qui se cachait dans l'ombre pour mieux guetter sa proie. Si M. de Casalis patientait et ne cherchait pas, c'était qu'il avait compris que de longtemps, les Cayolles ne pouvaient se servir de l'enfant contre lui. Il leur permettait de l'élever, comptant le voler, quand il deviendrait dangereux de le laisser entre leurs mains. Tant que Philippe ne rentrait pas en France, et tant que son fils n'aurait pas atteint un certain âge, Marius avait les bras liés. Il lui était impossible de soulever un scandale quelconque qui tournerait contre son frère. À vrai dire, M. de Casalis comptait beaucoup sur l'esprit droit et juste de Marius pour mener à bien ses propres affaires. Il se disait que jamais le jeune homme n'oserait compromettre Blanche et qu'il lui abandonnerait plutôt l'héritage. En tout cas, il avait au moins 5 ans de tranquillité devant lui. S'il comptait sur les vertus de Marius, il avait de véritables peurs lorsqu'il songeait à Philippe. Celui-là ne l'épargnerait pas le jour où il tomberait entre ses mains. Il se rappelait les violences, le caractère énergique du fugitif. Il le croyait homme à ne reculer devant rien, dès qu'il s'agirait de contenter une haine et de se venger. Aussi prit-il certaines précautions pour se mettre à l'abri de cette haine, dans le cas où Philippe rentrerait en France. Il désirait ardemment lui voir commettre cette imprudence. Et plus encore pour le faire arrêter que pour échapper à sa vengeance. Il chargea un certain Matthäus, un coquin dévoué, de se rendre en Italie, de s'attacher au pas du jeune homme afin de revenir avec lui s'il s'embarquait. L'espion s'acquitta fidèlement de son mandat. Il retrouva Philippe à Gênes et ne le quitta plus. Quand celui-ci revint à Marseille, Matthäus se trouvait sur le même navire. Mais, par un hasard, il le perdit de vue pendant le débarquement. Il ne put annoncer à son maître que la présence de son ennemi dans la ville, sans lui indiquer le lieu où il s'était caché. Lorsque M. de Casalis sut que Philippe se trouvait à Marseille, il fut pris d'une grande inquiétude, non pas qu'il craignît une vengeance immédiate et directe, mais parce qu'il s'imagina que le jeune homme allait le traquer sourdement et lui faire rendre gorge. Il désirait bien le voir rentrer en France, mais à la condition de connaître son refuge et de le livrer à la police le lendemain de son arrivée. Du moment qu'il lui échappait, il croyait toujours le sentir autour de lui, creusant des pièges sous ses pas. Il vécut pendant un an dans des anxiétés continuelles. Il eut beau surveiller Marius, charger Matthäus de le suivre en tout lieu, il ne put arriver jusqu'à Philippe, car il avait été convenu entre ce dernier et son frère qu'il renoncerait à se voir tant que la grâce du condamné ne leur permettrait pas de se serrer la main sans péril. D'ailleurs, Philippe était tellement changé sous ses grossiers habits de portefaix, sans barbe, le visage et les mains hâlées, que Matthäus passa plusieurs fois à côté de lui sans le reconnaître. Monsieur de Casalis, qui ne voulait point mêler la police à ses affaires, avant d'avoir préparé une arrestation certaine, se désespérait des insuccès de son espion. Il le lançait chaque matin dans Marseille, en lui faisant des promesses de plus en plus fortes, éperonné par la crainte de voir réussir les démarches que Marius tentait pour obtenir la grâce de son frère. Un jour, M. de Casalis, en passant sur le port, se mêla à un rassemblement qui se formait autour d'un blessé. Il apprit que c'était un portefaix dont le pied venait d'être écrasé par une énorme caisse de marchandises. Comme il s'approchait davantage, il vit auprès du pauvre diable un de ses collègues, un autre portefaix qui donnait des ordres et dont les gestes brusques et la voix haute lui causèrent une profonde émotion. Il n'avait entendu qu'une fois la voix de Philippe, lors du procès, et cette voix était restée vibrante et forte dans ses oreilles. Il revint en toute hâte à son hôtel et fit appeler Matthäus, qui reçut de lui des instructions détaillées. Ce dernier devait s'assurer de l'identité du portefaix, le suivre pendant 2 ou 3 jours pour connaître ses habitudes et les lieux qu'il fréquentait. Le lendemain, la chasse commença. Le plan de M. de Casalis était d'une simplicité adroite. Il voulait faire coup double. Des envies lui venaient d'embrasser son petit-neveu, et jugeant qu'il l'avait laissé assez longtemps au Cailliol, il désirait le posséder à son tour. Pour retrouver et voler l'enfant, il décida qu'il se servirait du père. Philippe, à coup sûr, devait rendre de fréquentes visites à son fils. Il n'y avait donc qu'à le suivre pour connaître la retraite du petit. Monsieur de Casalis se disait que, lorsqu'il connaîtrait cette retraite, il lui serait facile d'y faire arrêter son ennemi et de s'emparer en même temps de l'héritier de Blanche. 2 jours après, Matthäus annonça à son maître que le portefaix était bien Philippe Cailliol et que, chaque soir, ce portefaix se rendait à Saint-Barnabé chez un jardinier nommé Ayas, qui avait chez lui un jeune enfant en garde. L'ancien député comprit tout. Il eut un sourire de triomphe. « À quelle heure cet homme va-t-il à Saint-Barnabé » demanda-t-il à Matthäus. « À 6 heures du soir, » répondit celui-ci. « Et il y reste jusqu'à 8 ou 9 heures. »« Bien. Reviens demain à 6 heures. Je te donnerai mes ordres. » Le lendemain, M. de Casalis eut une courte conférence avec Matthäus. Puis, ils partirent pour Saint-Barnabé, où ils arrivèrent à 7 heures. 2 gendarmes les accompagnaient.